Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 16h30, c'est votre émission Groupe Tropical. Alors on commence fort cette émission avec un plein de soleil, le groupe Gicane, avec toute une pléiade de grands talons du zouk, et bien que vous retrouverez peut-être tout à l'heure pour un autre morceau. En attendant, sur le 96.2, bien sûr, la musique que vous aimez le jeudi après-midi, avec Poulala, encore une nouveauté. Tiens, ça fait le tour en ce moment de la Terre, ce titre. Ah ouais, on n'a pas un problème. Oh, faut me laisser le temps de m'amener, quoi, quand même. Patrick André, Jean-Marc Templé, respect. Ensemble nous. Nous pas qu'à faire semblant, les nous capons qui nous nous cassons.

tire même tout bon vrai. Moi que t'es pensé m'te fin épuisé. Livoyon dernier grain vin sauvé. C'est comme si senti me ressuscité. Pensez me défile tomber. Pour élever mes thèmes sous tes pieds. Tant qu'on rose, tes pieds même pas cassés. Mais t'es quoi, dernier coup assez. Tropical, hein, le meilleur de la musique qui nous vient hein, des Caraïbes, soleil, soleil. Allez, restez bien cadés comme ça sur le 96.2, groupe Tropical continue avec ça. Quand tu veux. Décidément, aujourd'hui. Je suis sorti des mots qui tombent, et si tu ne réponds plus à mes mots, chargé des sentiments. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, hein. Nous aussi. Alors, baby, dis-moi si nous continuons. Allez, jusqu'à 16h30, c'est Chantal qui vous accompagne. Très très bon après-midi en ma compagnie. On nous prouver qu'il y a tant de raisons. On se fait du mal, j'ai dit. On se fait du mal. Et si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, yeah, je veux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller, yeah, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, yeah, je veux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller. Trop de prise de tête, arrête tes malhonnêtes, tous les défauts c'est pour moi. Tu crois que c'était la fête, t'es trop dans le paradis, mais bon côté c'est pour toi. Arrête ton délire, je vais penser que t'es parano. Ouais, tu sais qui c'est, je suis pas là pour flatter ton ego. Je suis pas ce genre de fille qui avale toutes les mélos. Non, mais on se fait. Tous les jours tu fous la pression. On pourrait qu'il y a tant de raisons. Pardonner. Au nom de l'amour, on doit se pardonner.

suis son point mot. Baka kumpe chumbo. Fais me pète une amour. Car elle raison d'y faire baby ma fête. Gal mi kan de bok mwen El pran tout sa ou jwen sou kont mwen La met zin bev we E gare ti nek sa de Jwe bakay sa yo pa fok mwen Kre bientou man ba ou yon de visa Ma mene ou Amerika Pou na fly, pou na voyaje Wai mama ou san be ou Angelika Wai mama yu mou yi bonika Magazan pou mam yon bebe Chak fwa mwen we ou fem sal kom Mam gado an bali nef sou kon se mal Collé avant nous la colle Baby, ou fait ma bégaye, ou pas des paroles Wow, wow, ou fait frisson pour moi Baka campé jumbo, fais moi petit nombre Car elle raison, qui fait baby ma bête Chérie, pas qu'à t'en faire un voisou Pour me caresser ou jouer ton voisou Pour me couper banane dans le sassou Pour me lever voile ou dans le sassou Mais faut pas un talon moins tombé Ma fesse est blesse m'attemblé Dans mon bas ou en bas tombé Et t'es qui m'en bas tombé Groupe Tropical, l'émission Couleur Caraïbe, tous les tubes de votre été, eh bien oui, sur le 96.2. Les coutures, mais aussi ben, les souvenirs, hein, comme ça, comme celui-ci, avec Audi Roubeuil, et puis, c'était formé sur le 96.2. Les petits souvenirs avec, tiens, un petit moment intime avec Monsieur Pascal Enclume. C'est tout de suite, après ça. C'est grâce à son Dieu qu'il te tient. Notre souvenir tout de suite après ça, à découvrir sur le 96.2 Groupe Tropical jusqu'à 16h30. Laissez-moi tout près strangler, oh baby. Dans le noir, tout seul chez moi, en t'a senti moins oublié. En coucher, t'a pensé, mais pas à mes yeux, ni trop images qu'à effiler. C'est comme Thank you. Thank you. moins tombé sous une photo, yon image qui vaut mille mots. Et c'est juste ça qui est blessé, nous avons vigré d'où aller. Où t'es dit, la vie ou belge, qui ou t'es naïf, l'intérêt même, que ça va bien arriver encore. La FM en couleur. La maleta en la cama preparando tu viaje. Un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina el enfoque. te he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar. Tu orgullo está herido, te quieres marchar. Si me dejas, no vas. Todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre acaba y el momento se va. Si me dejas, no va. Un homme malheureux, tu préfères rester les bouteilles en l'air, les bouteilles en l'air, les bouteilles en l'air, les bouteilles en l'air. C'est du bien, ça c'est bon. Théo Sapida. Si pas qu'on m'amzelle, si femme ça qui résistance, il qu'a fort fait en pile dépense, il qu'on façon le lac à dé ou qu'a pensé que tout vit bon, tout ça c'est démagogie, pour la joindre ta fiale, pas de belle parole. Bati. We'll be right back. Quand je vois tes yeux, je me sens fou. suis amoureux. Je veux à tout prix être l'homme de ta vie. Je veux t'aider, t'éboussoler, t'aider, t'éboussoler. Par ton corps, ta beauté, je me sens désarmé. Je veux t'aider, t'éboussoler, t'aider, t'éboussoler. Par ton corps, ta beauté, je me sens désarmé. Oh, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Je t'ai blessé, je t'ai fait pleurer. Et mon cœur te demande pardon. Merci. Promis, je ferai des efforts. Je les ai pas faits, je reconnais mes torts. Aujourd'hui, je pleure sous mon sort, sous mon sort. Je t'aime comme personne, j'ai commis des erreurs. Et tes mots résonnent dans mon cœur. Dis-moi qu'il n'est pas trop tard. Pas trop tard. De me pardonner, car je sais que tu m'aimes, que tu m'aimes. M'a demandé pardon, m'a demandé pardon, m'a demandé pardon. Danser, danser, papa. Allophagie, épouse. Oui, petit ticon, ça c'est net. Dis-le. C'est Tony. Non, Kaila. Oui. Compa. L'amour, yo pral fait mes barrières. T'as dit tout voix qu'à parler, qu'à dire ou pas de bon las. Pourtant, y'a pas comme si l'amour pas qui te trace. Pas moi qui bé pièce mon âge pour moi v'lé coquer.

nous décider. Rassemblez-vous, nous souquer. Je dis, y'a pas d'impression. L'homme t'a fait nous chanter. Je dis, y'a nous décider. Rassemblez-vous, nous souquer. Je dis, y'a pas d'impression. Avec nous. Votre émission Couleur Caraïbes chaque jeudi entre 14h et 16h30. En grand lumière avec les. Et bien voilà, il est 16h30 sur la FM Tout en Couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain. Ce sera la dernière pour moi de l'été. Bah oui, je partirai quelques jours en vacances. Je vous retrouverai bien entendu vers la mi-août. Mais en attendant, bah on va garder ce rendez-vous de la semaine prochaine avec le maximum de très bons sons qui nous vient de la Caraïbe. Du 100% soleil, du 100% couleur Caraïbe. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Et puis un très très bon week-end parce qu'on peut commencer dès ce soir. Et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Arc-en-ciel 96.2 La FM.